Show. Nous sommes le jeudi 13 octobre et vous êtes à l'écoute du Rock for Show. Oh. Bonsoir ma chère Jen. Salut. Bonsoir mon cher Tom. Oui, il a pas de micro. On est content qu'on attends. Tais-toi. Attends, calme-toi parce que tu cries, à un moment t'es à 3 mètres du micro, à un moment t'es à 20 cm. T'as toujours la même intonation. Donc tu cries, donc tu satures. Donc tes auditeurs ils sont là, ils font le fil, il est casse-couille. Oh, ok, j'arrête donc, de faire de la radio. Au revoir. Bonsoir, Phil. Voilà. Tu sais que dans mon casque, par exemple, je ne m'entends pas du tout, y'a rien. Tu t'entends pas du tout dans ton casque. Je t'entends, toi. Ah, c'est beau, c'est bien. Donc j'aimerais bien que tu mettes un peu de retour. Tu vois l'évolution des choses. Ce soir, nous recevons un ami. Nous recevons un guitariste. Et il n'est pas arrivé qu'on l'a déjà entendu quand même. Moi j'aime bien moi. Tu me laisses finir s'il te plaît. Un guitariste talentueux, quelqu'un qui nous a suivis, quelqu'un qui vous suit d'ailleurs toutes les semaines dans le Rock for Show et que vous pouvez suivre toutes les semaines dans le Rock for Show puisque c'est l'auteur du générique du Rock for Show. Bonsoir monsieur Yann Armellino. Eh bien bonsoir Phil, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à toutes et tous qui nous écoutez. Voilà, donc Yann, à nouveau dans le Rock for Show, comme à chaque album qui sort. C'est vrai. Voilà, à chaque fidèle, projet. Fidèle au poste. Le Rock for Show qui s'éloigne de plus en plus de la capitale. C'est vrai que nous avons pris nos quartiers d'été, hein, parce que ça nous est arrivé cet été, parce qu'ils ont fait les travaux là où on était. Et puis maintenant, nous sommes un petit peu plus dans une autre banlieue. Quoi. Nous avons carrément été à l'opposé, mon cher Tom. Hein. On a carrément été à l'opposé de l'ancien lieu. Ah, de la radio avec des lettres partout là. Ouais. J'ai jamais connu là. Donc, tu me parles d'un temps, d'un que, temps les que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tout Non, j'ai un peu plus quand même. Oui, quand même. Allez, ce soir donc une émission avec Yann qui va nous parler de son nouveau projet. Parce que il y avait Yann seul, il y a eu Yann avec Monsieur Caron. Mm-hmm. Et puis maintenant il y a Yann qui s'est accoquiné avec un fidèle aussi du Rock for Show, puisque. Pas seulement du Rock for Show d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure également, mais un fidèle du festival que le Rock for Show organise. Tout à fait, ouais. Hein, et c'est monsieur El Bucho. Bucho. Donc El Bucho n'est pas là ce soir ? Non. Hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment ça se fait ? Ah bah je sais pas. Il t'a rien dit ? Il t'a pas mis dans la confidence ? Ah, il m'a pas fait de mot d'excuse. Ah, bon. Je crois qu'il était assez pris. Et puis il avait des mix à finir pour nous, donc voilà. Très bien. Alors cet album il sort demain ? Il sort demain, tout à fait. Donc c'est tout frais, tout chaud. Donc je compte sur toutes et tous là pour. C'est important le premier week-end, c'est vrai, de sortie, de vente. C'est là où les magasins qui le mettent en vente, notamment que ce soit Fnac, mais surtout Cultura nous concernant, parce qu'on a un partenariat commercial avec l'enseigne. Bah s'ils voient que ça consommait déjà entre vendredi et lundi voire mardi prochain, ça donne confiance, voilà. Très bien, achetez les albums de vos artistes, ça les aide déjà à vivre et surtout ça les aide à continuer à faire de la musique et à continuer à vous faire des merveilleux cadeaux que vous pouvez vous offrir à Noël. Il n'y a pas longtemps, je trouve qu'aujourd'hui même acheter un disque c'est presque un acte militant. Ah oui, complètement. C'est parce que, alors petite précision juste par rapport justement à cette sortie. C'est que j'ai refusé d'être sur les plateformes de téléchargement, type streaming, enfin toutes les plateformes de streaming, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Music, Napster. Il n'y aura qu'un titre pour l'instant. Tout le reste sera grisé, donc ne sera pas écoutable. Et suivant l'ambiance et l'humeur, on le libérera dans toutes ces plateformes d'ici premier trimestre 2017, mais pas avant. D'accord. Donc, vous savez ce qu'il faut offrir pour Noël ? Le nouvel album de Yann Armellino qui s'appelle Better Way. Voilà, on en parle tout à l'heure. Pour l'instant, on va débriefer un petit peu ce que l'on a entendu, ce qu'on a ouvert l'émission. Alors ce soir, il y aura beaucoup de groupes français. Hein, et pour cause, le Rock for Show, le Rock for Show ayant toujours soutenu les groupes français, eh bien, on s'est dit, ce soir, Yann est dans les studios. Yann a des choses à annoncer, parce qu'il y a des surprises. C'est vrai. Et on va commencer avec un groupe qui s'appelle Nightmare, qui existe depuis 1979, qui s'était un petit peu arrêté, qui a repris, et qui aujourd'hui a changé à nouveau son line-up, ma chère Jen. Complètement. Alors maintenant, c'est plus un chanteur, c'est une chanteuse. Maggie, qui faisait justement partie de Virus Fort, un groupe belge. Mmh. Et elle a intégré Nightmare pour le nouvel album, suite au départ de... De Joe, voilà, et de David d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi changé. Les deux frangins. C'est ça. Donc chacun suit son chemin et du coup Maggie a trouvé sa place au sein de Nightmare et c'est plutôt une chouette nouvelle parce qu'elle a quand même, elle est quand même très charismatique. Elle a un bel organe vocal. Oui, vaut mieux préciser, ouais. Voilà, et c'est quand même. Je pense que ça apporte aussi sa petite touche de féminin dans ce groupe qui était essentiellement couillu et voilà. Alors Nightmare, le nouvel album. S'appelle Dead Sun et le titre que l'on vous a diffusé tout à l'heure. Infecté. Voilà, et je pense que vous allez être bien infecté parce que moi j'ai écouté l'album cet après-midi, je l'ai un petit peu découvert et bah voilà, je me suis dit on va choisir cet album pour ouvrir l'émission et l'album sortira le 25 novembre chez AFM Records. Donc là c'est vraiment l'exclu hein, pour ce soir puisque ça sera dans un mois, un peu plus d'un mois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Nightmare ? Bah, c'est un groupe qui nous vient de Grenoble, hein, un groupe français bien évidemment. Ils en sont à leur 10e album. Et puis quoi Oui, de toute façon essentiellement. Hormis Maggie qui vient de Belgique, l'essentiel du groupe vient de Grenoble. Ouais, c'est un groupe franco-belge. Ils sont entre Grenoble et Lyon parce que de souvenir, je crois que Franck, le guitariste, vient de Lyon justement. D'accord. Ça voyage quand même pas mal. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe, vous avez certainement dû le reconnaître puisque l'organe vocal du chanteur est quand même reconnaissable entre mille. Le groupe s'appelle Ugly Kid Joe. Et surtout, ils seront en concert, samedi. Samedi, hein, tout samedi. À fait, à l'Élysée Montmartre, dis donc. Ça fait bizarre de redonner cette salle-là. Alors ça a rouvert, je crois, avec M. Possible. Il me semble que c'est M qui a rouvert. Quelle erreur. ils seront donc avec Dallas Frasca et Black Rain, voilà, donc samedi. Voilà. Belle affiche alors. Belle affiche. Ouais, belle affiche. Très bon souvenir avec Dimon Bar. J'ai beaucoup aimé cette salle. On est content de voir La nouvelle architecture. Bah, ils ont fait une vidéo où on peut la visiter sans y être forcément allé. Et voilà, et ça n'a rien à voir. Ah oui. Ça, ouais, c'est tout neuf. On c'est sent tout comme blanc, un petit air de nostalgie. Ouais, mais oui, parce que quand on rentrait dans l'Elysée avec ses marques. Ah, y avait une. Comme dans toutes les salles parisiennes, chaque lieu a son aura, a son odeur, a son. C'est mais là c'est blanc, là c'est. Et la scène est toujours quand on rentre à gauche. Voilà, c'est d'accord. Ça. Ça n'a pas bougé. Avec le bar, ils ont agrandi un petit peu. Ils ont juste agrandi, ils ont éclairci énormément aussi. Et voilà, mais. Mais ouais, il n'y a plus ces marches défoncées. Parce que je me souviens avoir porté des amplis, mais de 200 kilos avec mes compères dans ces marches-là. Et c'était l'enfer pour c'est nous. Peut-être parce les que... miens alors. Yann, tu as joué, toi, à l'Élysée Montmartre ? Deux fois. On était en train de se demander avec Jen dans les transports tout à l'heure. Tu avais ouvert pour qui ? C'était lors de la tournée avec Free Kitchen Patrick Honda. Donc là, ça date un petit peu. Et la deuxième fois, c'était en ouverture de Ingrid Jim Malmsteen. Ah, c'était ça. Ah bah c'est là ça. Alors que je t'ai dit. La fameuse fois où il s'était pris ses cheveux dans sa guitare. Dans sa guitare. C'est des choses qui arrivent. Effectivement. On reparlera de toutes ces petites anecdotes. Oui. Yann est là, on est très heureux, très fiers surtout de le recevoir à nouveau dans le Rock 4 Show. Mais on va débriefer avec des petites nouveautés. Et puis surtout des dates de concert, parce que la semaine dernière, on nous a reproché un petit peu de ne pas avoir parlé des concerts parisiens. Eh bien, on va vous en parler. Oui, tout à fait. Et on va commencer, donc, pour les nouveautés, on va commencer avec un groupe qui rase tout sur son passage, hein, parce que le groupe s'appelle Attila. Ouais, et puis c'est surtout, ils foutent le chaos. Complètement. C'est leur album, Chaos, et le titre que l'on a choisi. Public Apologia. Alors, je vais te laisser un petit peu nous parler un petit peu de ce groupe, qui est... Eh bien, il s'avère que c'est leur septième album studio, qu'il est sorti chez Sharp. Il va sortir, le 4 novembre. Donc au mois de novembre, il y aura quand même pas mal de sorties d'albums. Oui. Ils nous viennent des USA, Atlanta, exactement. Ils se sont formés en 2005. Ils nous font du metalcore, deathcore, new metal, enfin un mélange. Gros mélange moderne. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc j'avais écouté le précédent album qui m'avait laissé un souvenir assez sympathique. Celui-ci, je le découvre, je ne l'ai pas encore bien... Bien écouté. Non. Bah écoute... Pour tout vous dire, l'émission a été construite aujourd'hui, cet après-midi. On improvise. C'est un peu de l'improvisation parce que, comme vous le savez, comme vous avez dû pouvoir le voir sur Facebook et sur pas mal de plateformes, on est en pleine organisation également d'un festival, puisque tout le monde nous l'avait réclamé. Eh bien, nous repiquons au bassinet pour le Paris Metal France Festival. Ça sera la 6e édition, ce sera les 6, 7 et 8 janvier. Et donc, on vous en parlera un petit peu plus loin dans l'émission. Donc voilà, ça occupe et donc on ne peut pas tout faire de front. Et malheureusement, on a quand même fait cette émission. Et on enchaînera après Attila avec... Sonate Arctique. Qui seront, eux, en concert. Oh, eux aussi. Hein, eux aussi, ouais. Eux à aussi. La machine du Moulin Rouge à Paris, dimanche soir. Voilà. Voilà. L'album s'appelle The Ninth Hour. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir... Life. Alors, c'est un album qui est sorti chez Nuclear Blast le 7 octobre, donc tout récent. Hein. Et la machine du Moulin Rouge donc, accueillera les Scandinaves. Ils sont quoi, finlandais ? Ils sont finlandais, je crois. Ils sont finlandais. Mais en même temps, je me suis complètement désintéressé d'eux depuis une dizaine d'années. Très bien. J'ai mes raisons. Ou pas, très bien, mais bon, il y a des fans, il y a encore des fans. Et ils seront accompagnés de Twilight Force, un groupe allemand, il me semble, hein, de prog metal. Nous enchaînerons ensuite avec des Américains. Alors là, c'est quelque chose de vraiment, moi j'ai craqué. C'est un guitariste français qui s'est accoquiné avec tout un tas de... Mais dis donc, il y a beaucoup d'accoquinage là, dans ce milieu-là. Non mais je trouve qu'il y a beaucoup de mélange et c'est pas mal. Le groupe s'appelle Hollywood Monsters, avec un S, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est le deuxième album. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir... C'est Evolution, je présume. Oui, mais... tout à fait. Et l'album s'appelle... Capture the Sun. Exactement ça. C'est sorti le 7 octobre chez Deadline Records. Groupe donc, ils disent que c'est un groupe américain, mais c'est un guitariste français, on en est fiers. Et quel est son nom alors ? Attention, il s'appelle Steph Onde. Onde. Steph Onde. Je le connaissais pas, mais c'est Steph Onde. Alors, si, je le connaissais, puisque c'est un ex Café Bertrand. Parce que tu connais ce groupe Café Bertrand qui a ouvert quand même pour Deep Purple. D'accord. Hein, il me semble. Et il a joué également avec Paul Di'Anno. Il a accompagné aussi le batteur. Enfin, il est accompagné par le batteur Vinnie Paz. D'accord. Et il vit donc, il s'est expatrié ou il vit toujours ici? Apparemment, il doit vivre aux États-Unis. D'accord. Et donc, il y a plein de gens qui ont participé à cet album, puisqu'il y a Tim Bogert de Vanilla Fudge, il y a Tracy J de Dio, il y a Neil Murray de Whitesnake, bien entendu, il y a Danko Jones, il y a également un autre français, Pascal Mulot, ex-Patrick Ronda, il y a également Craig Goldie, ex-Dio, bien entendu, et puis plein d'autres gens. Alors, ça va être compliqué à monter en live l'histoire, hein. Je pense. Et donc, son premier groupe à Steph, c'était Mammouth. D'accord. Hein. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire. Et apparemment, il s'entourait de producteurs californiens, où il a réuni un petit peu tous les musiciens qu'il a pu trouver et former ce groupe Hollywood Monster, qui porte vraiment bien son nom. C'est en 2014, en fait, qu'il a créé le groupe et qu'il est sorti le premier album. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Eh bien, achetez-le, c'est excellent. Et en plus, celui qui a fait le clip que vous pouvez voir sur Facebook, eh bien, c'est le graphiste de l'affiche du Paris Metal France Festival. On n'y peut rien, c'est comme ça. Hein, comme de par hasard, on ne s'entoure pas non plus des plus mauvais. Hein, que les choses soient dites. La preuve, on est là. La preuve, on est. Nous finirons ce premier intermède musical avec les Red Hot Chili Peppers qui sont en concert pour 3 dates à Bercy. 3 dates sold out. Ah mince. Ouais, mais c'est comme ça. Tu pourras pas y aller, ma chère Jen. L'album s'appelle The Getaway. On vous en a déjà diffusé quelques titres dans cette émission, dans le Rock for Show, puisque l'album est sorti le 17 juin de cette année chez Warner. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir, ma chère Jen. Alors, j'ai un doute. This. Ticonderoga. Ticonderoga, c'est bien ça. Ticonderoga. Ouais, Ticonderoga. ça se dit vachement mieux en français. Donc voilà, et ils seront donc en concert le 15, 16 et 18 à Bercy. Donc ne les ratez pas pour ceux qui ont leur place, enfin, bien évidemment. Ouais, enfin, tu dis que c'est sold out. Hein. Ouais, c'est sold out. Voilà, on se retrouve tout de suite après avec notre invité du soir, monsieur Yann Armellino, venu nous présenter son nouvel album, son nouveau projet, Petaway. Et on envoie la musique. I want every single one of you to know that I am truly sorry from the bottom of my heart. I am so sorry, sorry that you're a little bitch. Fuck your shit, I stay sick. If you don't like it, you can suck this. I went on tour without a penny in my pocket. Dreams of making music was the only thing I rocked with. You wanna judge like I'm on the stand? Well, come and say it to my face and you can catch these hands. Fuck your shit, I stay sick. If you don't like it, you can suck this dick. I say cunt, I say bitch. You motherfuckers get offended by anything. Fuck your shit, I stay sick. If you don't like it, you can suck this dick. I say cunt, I say bitch. You motherfuckers get offended. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs 19h30 21h30 avec Jen, Tom et ce soir notre invité spécial, très spécial. On vous rappelle, c'est quand même le créateur du générique du Rock for Show, Monsieur Yann Armellino. Bonsoir à nouveau. Bonsoir, bonsoir. Voilà, alors, donc... Phil, tiens, j'ai une petite question. Tu m'avais demandé de faire ce générique, ou tu avais demandé à plusieurs personnes? Plusieurs personnes. Ah oui, d'accord. J'avais lancé un appel sur MySpace à l'époque. Je crois que ça devait être MySpace. Ah oui, ça remonte, c'est vieux, ça. Ça remonte, hein. Je sais pas en quelle année en fait tu as créé ce générique, puisque après tu l'as ressorti sur l'album. Oui, tout à fait. Hein, on l'a augmenté, agrémenté, quoi. Voilà, mais il a gardé son nom. Hein. Oui, oui. Je tiens à le préciser. Quoi. Il s'appelle toujours Rock for Show. C'est voilà. En tout cas, un grand merci. On a eu des projets, mais beaucoup de gens ont fait des reprises en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils jouaient vraiment le morceau, mais ils ont fait une reprise. D'accord. Alors que nous, ce qui nous intéressait, c'était quand même une création, parce qu'on voulait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Bah, pour moi, quand tu m'en avais parlé, c'est vrai que ça me semblait enfin évident qu'il fallait créer un truc, et un truc inédit, pas prendre un... Et voilà, bah, encore un grand merci. Ça, à chaque fois que je te vois... Tout le plaisir est pour moi, mais vraiment. Mais tu vois, on est fidèles à notre générique, on le garde. Hein, ça a été quelque chose. Alors comme générique, on en a eu plusieurs. On a eu Marty Friedman, on a eu les gendarmes repris par Ed Guy. Il n'y avait pas Patrick aussi à un moment donné. Il y a eu Patrick Honda, exactement. Et puis le dernier depuis maintenant, ça doit remonter à sacré bail. Au moins 10 ans. Peut-être. Au moins 10 ans, je dirais. De générique Yann Armellino Workforce. En tout cas, un grand merci encore à nous. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Tokyo Blade, ils sont anglais et ils seront surtout au British Steel Saturday Night 5 de FIM. C'est ce week-end. Alors, on vous avait fait une émission spéciale. Il y a 15 jours, vous n'aurez jamais en podcast malheureusement. Ouais, parce que l'émission, Elle a chu. Elle était bien pourtant, hein. Elle a chu. On pourrait la refaire ce soir, non? Non, on n'a pas le temps. Non, on a Yann Armellino ce soir. Excuse-moi, mais honneur aux invités. Tu parles du Tokyo Blade des années 80? Oui, oui. Ah ouais. Avec le premier chanteur. D'accord. Et donc ils seront à FIM, une reformation. Nous on a reformé des groupes français et eux ils reforment des groupes. Tokyo Blade déjà. Enfin moi c'était 80. J'écoutais ça, je ne jouais pas encore de guitare. Ouais, il y avait un album qui me plaisait pas mal d'ailleurs. Te dire le nom, c'est un peu vieux. Il y a Night of the Blade et puis il y a eu Tokyo Blade le premier. Ça doit être le deuxième. Le deuxième c'était Night of the Blade avec Marc, je crois, au chant. Voilà, donc là, c'est issu du premier album, en fait. C'est Even. Voilà, donc ils seront pas tout seuls, hein, ils seront avec qui avec plein de groupes. Attends, si tu me parles et j'écoute le retour en même temps radio, vas-y, je t'écoute. Oui, je disais, dans il y aura Absolva, il y aura Gang, bien évidemment. J'ai pas la prog sous les yeux, excuse-moi. Tu l'as la prog sous les yeux? Je peux la trouver, mais j'étais pas là. C'est quoi British Steel Saturday Night. Continue à parler, on la trouve tout de suite. Mais je crois que vous l'avez dans la liste des concerts que je vous ai donné. Ah, hein, attends, vous devez l'avoir, c'est le 15. Attends. Le 15 octobre. Alors. Normalement, vous l'avez. Le British Steel Saturday Night 5. Alors, dis-nous les groupes. Alors, Praying Mantis, Tokyo Blaze, Praying, Absolva, Savage, Pist, The Deep, Gang, Spartan Warrior et Rustix. Rustix. Alors, ce ne sont que des groupes des années 80. Reformés, d'accord. Ou qui se sont reformés d'eux-mêmes. Hein. C'était pas des, c'est pas Sylvain de Gang qui a reformé de Underground Investigation, l'association aussi qui doit avoir une bonne vingtaine d'années hein, derrière elle. Et donc voilà, chaque année, là c'est la cinquième année qu'ils font des groupes, des soirées avec que des groupes anglais. Alors ils ont fait Girls School, ils ont fait que des reformations donc. Pas spécialement des reformations, mais oui, ça fait partie du jeu. Il y a eu Venom, il y a eu, enfin voilà, toute cette scène. Aussi. Donc c'était. Je me souviens de. Voilà. Hein. Des Metal Attack et des Hard Force, les premiers Hard Force. Et Enfer Magazine. Enfer Magazine avec Venom. Ouais. C'était bien le premier concert de Venom en France. C'était avec Metallica en ouverture. D'accord. Et c'est là qu'on a connu Metallica et que ça a été une révélation. Parce que le lendemain, je raconte cette anecdote que pour moi, elle marque mon enfance. Tout le monde était au métro Gaîté, il y avait Jukebox, qui était un indépendant. Je me souviens bien. Et sous la tour Montparnasse. Ils vendaient énormément d'imports japonais. Exactement. Et eux, ils vendaient donc les imports américains également de Metallica. Sauf que les gens faisaient la queue. Il y avait une queue immense après ce concert, mais ils étaient totalement en rupture de stock. Et ils tous vendaient. C'est-à-dire des vieilles cassettes, démos et tout ça. Ils vendaient ça à prix d'or parce que c'était Metallica. J'ai dépensé des fortunes dans ce magasin. Ouais. Je pense que tous, on a bien dépensé. Et voilà. Et alors aujourd'hui, des belles choses. Hein, aujourd'hui, on a un autre magasin. Hein, on peut le citer, c'est Rock'n'Roll Voltage qui se trouve rue du Roi de Sicile, tenu par deux frangins, et là c'est pareil, vous pouvez trouver monts et merveilles de disques, de collecteurs, de choses comme ça, et c'est bien qu'il y ait encore des disquaires qui soient encore là et qui aient pignon sur rue et surtout qui fonctionnent parce qu'ils sont toujours bien achalandés, on les voit sur les conventions, les choses comme ça, et c'est vraiment, c'est bien. Vraiment super quoi. Voilà, donc allez au British Steel Saturday Night 5 de film, c'est ce samedi, si vous n'allez pas à Red Hot Chili Peppers et à d'autres concerts, puisqu'il y a d'autres concerts. Nous allons enchaîner avec des choses que j'ai choisies spécialement pour toi, mon cher Yann, et nous allons commencer avec Eric Johnson. Alors, est-ce que tu connais Ah oui, je connais bien Eric Johnson. Bien alors là, il sort un tout nouvel album qui est tout acoustique, c'est guitare acoustique et piano. D'accord. Et ma foi, moi, je. Alors, c'est très joli, très beau, très relaxant également. Bon, pour tous les amateurs, les amoureux de guitare, voilà, je vous le recommande. Un très très beau cadeau de Noël. C'est sorti le 7 octobre chez Provogue. Merci de m'avoir mis du retour. Le morceau que je vous diffuse ce soir s'appelle The World is Waiting for Sunrise. Voilà, et c'est donc tiré de l'album qui s'appelle E.G., donc pour Eric Johnson, Sonic Explorations on Acoustic Guitar and Piano. Ça fait long comme titre d'album. Oui, c'est très long à dire. Il faut prendre son souffle, en fait, bien avant pour donner le titre de cet album. Voilà, en tout cas, un très très bon album. Il y a pas mal de reprises, de choses comme ça dessus. Et que acoustique et piano, alors. Acoustique, piano et voix. D'accord. C'est bon, ça. Il y a de la voix, quand même. Il y a de la voix. D'accord. Sur certains morceaux. Il n'y a pas que... Parce que la façon dont tu le présentais m'évoquait un petit peu l'album qu'avait fait Patrick avec RVN, quoi, qui était très beau. Enfin, moi, je trouve magnifique ce disque de reprises de classiques. Où lui était à l'électrique et Hervé Nkawa était au piano. Mais là, donc voilà, c'est franchement, moi j'aime recevoir des albums comme ça qui sortent de l'ordinaire parce que, bah, comme tout à l'heure, tu écoutais hors antenne des choses que l'on reçoit aussi et qui sont un petit peu moins mélodiques, un peu moins mélodieuses. Et quand on reçoit ce genre d'album, on ne t'y attend pas déjà parce que Eric Johnson, c'est quand même assez bluesy, très rock, très musclé. Oui, c'est musclé, blues. Hein, ouais, tout à fait. Et là, voilà, c'est tout en douceur, tout feutré. C'est vraiment, moi j'ai vraiment adoré cet album et je vous le recommande. Nous enchaînerons encore avec un autre grand bluesman rock blues, puisqu'il s'agit de Monsieur Popa Chubby, qui sort son nouvel album qui s'appelle The Catfish. Fish. C'est sorti également. Alors, tout le monde sort son album à peu près la même période, le 7 octobre, chez V-Record. Et l'album s'appelle, ma chère Jane. Bah, je viens de le dire. Bah oui, tu viens de le dire. Je viens de le dire. Bah alors, The Catfish. Le titre qu'on va vous passer s'appelle Dirty Diesel. Mmh. Voilà. Voilà, et donc vous allez voir, ça, pour le coup, ça pulse bien. Et ma foi, ça va en réveiller certains. Ensuite, nous enchaînons avec notre invité du soir. Bonsoir, monsieur Yann Armellino, qui vient nous présenter son nouvel album. Alors, sur l'album, il est en compagnie de El Buccio, hein, également. Ouais, je regrette qu'il soit pas là. Également chanteur, ex-chanteur de Wacha. Oui. Il a été dans Pleasure Addiction, il est toujours dans Showtime, mm-hmm. Et puis doit prêter sa voix. Electrocuteurs également. J'ai été rôdi pour eux. Ouais. Pour Electrocuteurs ? Non, pour Showtime. D'accord. Et donc, voilà, donc la boucle est bouclée parce que ce sont des amis. On a fait rencontrer à l'époque Yann Armellino avec Patrick Ronda. Ça a été des très bons moments. Et hein, alors, cet album est né, enfin pas cet album avec El Buccio est né grâce au Paris Metal. Non. Mais si. Quand tu as vu Showtime sur scène ? Pas du tout. Quand on a été invités tous les deux à un titre lors d'accord. du set de Morgable oui. Trio. D'accord. Il y a 2 ans, au Divan du Monde. D'accord. Bah et écoute, on a passé plus de temps dans les loges. À discuter. À discuter. Et on s'est trouvé plein de points communs. Et voilà, c'est un... si cet album est là, c'est un peu à cause ou grâce à toi encore. Grâce. Alors... c'est mieux, c'est positif. T'es grâce à toi. En fait, t'es casse-couille. Bordel, Phil, tu dingue, sors. Ça sature. Bordel, tu sors. Ça sature bien. Bah écoute. Ah, c'est pas ma faute, hein, c'est pas moi qui règle les micros là. On en est vraiment. Non, c'est toi qui gueule. On en est vraiment heureux et fiers. J'ai même pas gueulé. Même sans l'avoir voulu. En tout cas, non, ce qu'on a voulu dans le Paris Metal France Festival, c'est tout ce qu'on aime, c'est-à-dire que les gens partagent des émotions, partagent des moments de scène. Et ce qu'on avait voulu avec toi, Yann, c'était justement en te mettant avec Christophe Godin, et qui avait eu la gentillesse de dire oui. Alors lui, il dit oui à tout, parce qu'il est un peu fou aussi dans sa démarche, dans sa tête. Dans, pourquoi aussi dans ce groupe. Bah un peu fou comme moi, comme les gens qui nous entourent et qui rentrent dans notre folie. Parce que organiser un concert lorsqu'on est un amateur, parce que moi je ne suis qu'un amateur, je ne suis pas un professionnel, tout le monde me dit mais t'es fou. Et là, on vous l'a peut-être pas encore dit, mais le prochain Paris Metal France Festival est un truc qu'on a encore jamais fait, puisqu'il y aura 2 scènes et il y aura plus de 40 groupes sur scène. T'es voilà. fou. C'est un pari. Alors, chaque année, on vous dit que c'est le dernier. Enfin, depuis 2013, on vous a dit que c'est le dernier. Ça devait être le dernier. Sauf que j'avais pas prévu qu'un jour j'aurais 50 ans. Mmh. Hein, t'avais pas prévu qu'un jour t'aurais 50 ans. Mais par contre, par rapport au Paris Metal France Festival, tu disais que la radio, elle s'est écartée de Paris, mais le PMFL, c'est encore pire. Oui, on sera dans le 91, au plan, Riss Orangis. Mais là, on est où ? On est dans le 9-4 ? 9-2 Ouais, on est à la prison de Friends. Voilà. Mais non, ce qu'il y a, c'est que voilà, on prend des paris. Le Rock for Show, c'est aussi ça, c'est aussi un pari. Mmh, c'est-à-dire qu'on a invité des gens qui ne pouvaient pas citer sur d'autres radios. Et donc, on s'est dit, bah, nous, on va les inviter, on va les faire jouer, parce que ce qui nous plaît aussi, c'est que tu es venu avec ta guitare aussi ce soir pour jouer en live, comme à chaque fois que tu es venu. Et ça, on remercie aussi les artistes qui jouent le jeu et qui se disent, oui, on va y aller. Et on va faire le truc. Pour moi, c'est normal. Enfin, c'est que ça soit. Enfin, je me souviens d'une anecdote. C'est marrant, c'est la soirée des anecdotes, mais où tu m'avais. Il y avait Patrick qui jouait un titre, et du coup, j'étais venu jouer un titre avec lui. Et 1h30 avant de partir à l'YFM, dans mon studio, j'ai une enceinte qui me tombe, mais sur la tête, et ça pissait le sang. Et vous m'avez vu arriver, j'avais encore des points de suture, j'avais encore du sang moitié qui coagulé. Mais j'étais venu et on avait fait le titre et on avait passé une super soirée. Alors il y a eu lorsqu'un Yann Armellino sort un album, Patrick qui est venu jouer. Oui, c'est vrai. Et puis il y a lorsque Patrick a sorti un album, Yann qui vient jouer. Ça aussi, c'est des moments magiques. Moi, c'est des moments qui resteront toute ma vie. C'est des moments inoubliables. Après, pareil, quand la radio est en difficulté, on appelle Yann et on appelle Patrick. Dans une petite salle parisienne. Le club. Patrick, d'ailleurs. Ouais, toute petite salle. J'étais programmé, j'ai pas pu. Donc, du coup, Patrick avait fait la date et on s'était dit, je te promets d'en faire une. Et quelques temps après, on avait fait une ensemble aussi. Alors, ce qui était aussi, et c'est là où je voudrais souligner l'humilité des musiciens que l'on côtoie également, c'est que Patrick ne voulait pas jouer en tête d'affiche, comme on dit. m'a dit non, je vais ouvrir le festival, enfin le concert de soutien, je vais l'ouvrir. Comme ça, si les gens, tu auras du public dès le début. Oui, c'est bien. Et voilà quoi. Et voilà, je reconnais bien là le bonhomme. Non mais Patrick est comme ça. Mais ouais, c'est vraiment un amour. Ce mec là, c'est un ange. Il devait être une réincarnation de je sais pas trop qui. Mais en tout cas, on pense beaucoup à lui. Ouais, on pense également beaucoup à Pascal Vignier. Hein, qui ont partagé tous les deux des moments assez difficiles. Hein. Pascal qui a joué également pour le Paris Metal France Festival sur l'édition numéro 3 avec Triple FX et avec Pascal Mulot. Voilà, donc tout ça, tous ces gens, il y avait Gaël Ferret, je crois, aussi à la batterie de Misanthrope. Et tous ces gens, vous allez les retrouver sur le Paris Metal France Festival édition 2017, donc la 6e édition qui est là pour les 50 ans de l'organisateur, pour les 35 ans d'ADX, pour les 10 ans du festival, et puis il y a plein d'autres anniversaires. Parce que derrière, il y a eu plein de rencontres qui se sont faites également sur ce festival. Donc on en est un bon exemple. Hein. Voilà. En tout cas, un grand merci à toi, Yann, pour les anecdotes. Maintenant, on va laisser place à la musique avant de te retrouver en interview, parce qu'il va falloir que tu nous débriefes un petit peu cet album, nous raconter, tu nous as raconté un petit peu la rencontre, mais on veut en savoir plus là-dessus. Je tiens à préciser qu'il est 20h20. Voilà, donc c'est pour ça. On va commencer donc avec Eric Johnson, on continue avec Papa Shubi, et on retrouvera Yann Armelino. On n'a pas précisé. Je t'arrête deux secondes. Oui. Papa Shubi, pour moi, est en premier, mais si tu veux en deuxième. Non, c'est en deuxième, normalement. Non, c'est Eric Johnson c'est en premier. Eric Johnson en premier. La prochaine fois, tu mettras les choses différemment. Mais d'accord. Pas. Donc Eric Johnson en premier, Papa Shubi en deuxième, Yann Armelino avec le titre Better Way, qui est le titre éponyme de l'album, qui sortira donc demain, on vous le rappelle, chez Not A Bene. Chez Vagram, en fait. Chez Vagram. C'est plus facile. D'accord. Mais j'aime bien Nota Bene, j'ai trouvé aussi. Ça très joli. Nous en parlerons un petit même peu. Label que Kassav. Hein, donc Non, très bien. Il y a du lourd, là. Il y a du lourd derrière. Allez, on envoie et on se retrouve tout de suite après pour parler avec Yann. Dirty. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, ma chère Jen et mon cher Tom. Et mon cher Yann. C'est nous. Bien sûr. Et il est 20h passé de 33 minutes. Ouais, 34. Bon. En France. Parce que, non, oui, mais au Canada, ils nous écoutent. Au Canada, il faut 3 heures pour que ça y aille. Donc voilà. Sachant qu'ils ont 6 heures de retard, il est 14h30 chez eux. Mais l'émission est rediffusée ce soir à 20h30. Et donc, ce qui représente chez nous 4h30 du matin. Non, on sera 2h30. 20h30, 22h30 chez eux. Ce qui fait 2h30, 4h30 chez nous. Chez nous, voilà. Bon, en tout cas, pour les noctambules. Sachez que si vous ne dormez pas, vous pourrez réécouter le Rock for Show ce soir avec notre invité. À défaut de l'avoir en podcast. Ce soir avec notre invité Yann Armellino, célèbre guitariste. Hein, blond. Hein, blond comme les blés. Paraît-il. Non, mais je confirme, je vois rien, Yann, mais je peux te dire que si. Moi, c'est blanc, la description qui m'en a donné. Hein. Ouais, c'est grand, blond. Voilà. Beau gars, beau gosse. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jen? Je ne donnerai pas mon avis. Allez, avec ton regard de féline. Non, je ne donnerai pas mon non, avis. Tu veux pas non, tu pas. T'es timide ce soir, tu vois. Ouais, hein non. Je t'ai connu plus loquace. Ouais. Non. Bah, pas en direct, en tout cas. D'accord, ok. Yann qui nous sort son nouvel album accompagné de El Butcho, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de Ex Watcha, Showtime, Pleasure Addiction, Electrocutors. Hein. Donc la rencontre, on est fiers que ça se soit fait sur le PMFF. Après, comment s'est fait l'envie de composer un album? Est-ce que vous l'avez composé à deux? Est-ce que ce sont tes compositions? Est-ce qu'il y a les compositions d'El Butcho? Et vous avez fait un mélange? Comment s'est passé l'enregistrement et la composition de cet album? Alors la composition au départ, suite donc au Divan du Monde, j'ai dû le recontacter pas très longtemps après, hein, peut-être un ou deux mois après, en lui disant que j'avais des titres en chantier qui demandaient à être chantés. Mais j'avais juste des ébauches, en fait. Et je lui ai envoyé 3 idées. Je lui ai dit, voilà, déjà, je lui ai demandé si ça le branchait, normal. Il m'a dit, bah, bien sûr, envoie. Et je lui ai envoyé 3 idées qui étaient déjà assez assez construites. Assez abouties. Enfin, il y avait au moins une intro, un couplet, un refrain. Voilà, c'est des petits bouts comme ça. Et j'ai dû lui envoyer ça le jeudi, et le vendredi, il m'a renvoyé mes 3 idées chantées. Donc, Et ça a été très vite. Très très vite. Et ce qu'il m'a envoyé collait tout à fait à ce que j'avais en tête. C'est donc après, l'idée de faire... Pour remettre les choses dans leur contexte, je savais pas trop où j'allais. Parce que avec qui, quel label... J'étais un peu c'était dans un flou projet artistique. C'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur de faire quelque chose avec un duo. Tu avais déjà tenté l'expérience. Oui, avec Chris. Oui. Et là, je voulais du chant. Ouais. Donc il se trouve que là, c'est un duo par la force des choses, parce que j'ai passé l'âge de monter un groupe et de composer en groupe. Enfin, quand tu travailles comme ça seul depuis des années, c'est un peu compliqué. Faut me supporter, c'est très très compliqué. C'est ça en fait. Et les délires de l'artiste. Voilà. Et au départ, je me suis dit, on va tenter un EP. Parce qu'un EP, c'est assez rapide dans le processus de création, d'enregistrement. Donc, je lui ai envoyé 3 idées qui ont assez rapidement abouti. Je me disais, allez, on en refait 2 chantées, puis je vais peut-être me mettre un petit instru ou 2. Puis voilà, j'aurai un EP avec lequel je pourrais peut-être aller démarcher, taper aux portes. Et puis, il se trouve que ça s'est tellement bien passé que le processus de création a été mis en route. On s'est dit pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Donc on a continué à composer. Enfin, moi je lui envoyais les musiques en fait. Et lui continuait à me mettre des. Et toujours aussi rapidement. C'est parti assez rapidement, ouais. Vraiment. Et ce qui est drôle, c'est que les versions démo en fait qu'on a travaillées sont assez proches. Même si c'était un texte en simili yaourt et il n'y avait pas encore l'ossature complète de l'histoire qu'il allait raconter. Mais ça se joue vraiment dans les détails. Alors le titre ouverture s'appelle Better Way, c'est le titre également éponyme de l'album. Moi j'y ai vu un petit signe. Est-ce qu'il y a une signification très spécifique à ce titre-là en particulier, dans le sens où moi ce que j'y ai vu avec mon anglais à moi, Better Way c'était on change, on va faire quelque chose qui rentre beaucoup plus dans le rang que de faire quelque chose qui est peut-être un peu plus élitiste, un album instrumental. Oui, on peut l'interpréter un petit peu comme ça, c'est prendre la meilleure voix pour aller où on veut aller. Oui, puisque ça veut dire la voix également, hein, ça c'est la voix, le chemin. Voilà, en fait, ouais. Hein. Et puis c'était un beau jeu de mots avec la voix du bout de chaud. Alors est-ce qu'il est facile à bosser ? Ah super. Non, vraiment, c'est une vraie complicité aujourd'hui qu'on a, enfin c'est une vraie entente, une vraie amitié musicale. Et qui commence à devenir humaine par la force des choses, parce que c'est vrai qu'on est amené à se voir de plus en plus. Mais il y a vraiment un truc, enfin, c'est. J'avais l'impression, ça répondait du tac au tac, comme si on avait travaillé ensemble depuis des années, quoi. Ah, il n'y a pas eu de temps d'adaptation, tout s'est fait vraiment très naturellement. Vraiment, ouais. Il se trouve, c'est vrai qu'à l'époque, déjà, quand il était dans Watcha, on s'était déjà vu dans 2-3 soirées, on avait bien accroché déjà tous les deux. Mais on était justement sur des voies un petit peu parallèles, mais qui n'allaient pas forcément se rejoindre à un moment donné. Mais il a toujours eu ses goûts personnels au niveau musique, c'était très proche de ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui, quoi. Ce qu'il fait aussi d'ailleurs dans ses autres groupes. Dans Showtime et dans Electrocutors, oui, effectivement. Puis même dans Pleasure Addiction, où c'était quand même assez glam. Oui. Sur scène, est-ce qu'il va y avoir une suite? Parce qu'il y a cet album qui sort, il sort demain, dans tous les bacs. Comme tu en as parlé déjà tout à l'heure, il n'y aura pas de plateforme de téléchargement dans un premier temps. Non. Hein, mais par contre, après, une fois que vous l'aurez bien acheté, une fois que vous l'aurez bien mis entre vos oreilles, ben, vous pourrez éventuellement le retrouver sur quelques titres, hein, dans un premier temps, sur les plateformes, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. Donc la prolongation de cet album sur scène, comment cela va-t-il se passer et est-ce que ça va se passer? Ah bah oui, ça va se passer plutôt deux fois qu'une. Mmh. Alors dans un premier temps, on va faire quelques showcases acoustiques, comme je te le disais en début d'émission. On a un partenariat avec Cultura, donc là on va faire entre 3 et 6 showcases. Déjà il y en a 3 qui sont signés, il y en a 3 autres qui devraient arriver. Donc présenter l'album. Séance de dédicace. Voilà, tout à fait. Et puis là l'idée c'est vraiment que les gens viennent vers nous, achètent notre album aussi. Et en plus c'est intéressant parce que c'est une relecture des titres en acoustique. Ces titres-là s'y prêtent bien parce que c'est vrai que j'ai très souvent l'habitude de composer avec des accords assez ouverts, enfin pour les guitaristes ils comprendront, c'est avec beaucoup de cordes à vide, donc du coup on sort des simples accords joués sur 2 ou 3 cordes, donc ça peut assez vite sonner en acoustique, on peut vite leur donner un petit quelque chose de différent. Bucho a changé aussi sa façon de chanter dessus, donc il a un côté presque plus bluesy, plus... Donc c'est assez sympa. Ouais, je dis pas qu'on fera tous les titres de l'album. Il est capable de faire ce qu'il veut avec sa voix aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Il est, ouais, c'est vrai qu'il est. Il est assez versatile. Vocalement parlant, ouais. On va dire. Hein. Donc ça sera dans un premier temps. Et dès début 2017, on amplifie la chose à 5 sur scène. Donc basse, guitare, x2, Bucho et batteur. Et on va essayer de trouver un maximum de dates. Et on va vous accueillir sur un festival. Il paraît. Ça n'a pas encore été annoncé, hein, c'est un petit peu un scoop, hein, voilà. Pour ce soir, puisque tu as la gentillesse de venir participer au Paris Metal France Festival. Complètement, le 7 janvier, donc le samedi 7 janvier. Alors on va peut-être te voir avec plusieurs personnes. Il paraît aussi. Hein, parce que voilà, nous c'est ça, c'est les mélanges, les rencontres, tout ça, et surtout avec des gens de même obédience, c'est-à-dire qui aiment le partage, qui aiment le mélange, et on peut rien vous dire parce que c'est en préparation, c'est en coulisses. C'est moins en fait le mélange, quoi. Comment ? Tain, j'ai même plus envie de venir, quoi. Et en fait, y a des choses qui se préparent en coulisses, donc on espère que tout le monde sera prêt pour le jour J, on n'en doute pas. Hein. Pour l'instant, à chaque fois qu'on a préparer ce genre de petites choses, ça s'est bien passé. Ah oui, vraiment. Nous, on jouera le jeu et puis à vous maintenant de jouer le jeu, d'être présent. Mais je pense que vraiment, on va passer un bon moment. C'est un moment de partage et puis de voir autant d'artistes en si peu de temps, c'est quand même pas très courant. Donc, d'artistes français. Oui, en plus. Parce que moi, ce que je reproche un petit peu dans tous les grands festivals, que ce soit le Motocultor, que ce soit le Hellfest ou d'autres scènes, c'est que la part des groupes français, on les voit déjà toujours jouer le matin, en ouverture. Voilà, on est quand même en France, quoi. C'est, je veux dire, il y a un moment donné, il faut aussi se dire que notre patrimoine culturel, c'est pas seulement Mireille Mathieu, Gérard Lenormand. On a aussi des artistes qui font du rock, qui font de la musique, qui sont autodidactes aussi pour certains, et qui ont besoin d'être mis en lumière un peu plus haut sur des affiches. Et et qu'on leur offre pas juste une ouverture de concert alors que personne n'est encore rentré dans la salle ou des choses comme ça. Et donc avec le Paris Metal France Festival, ce qu'on a voulu, c'est justement ça, mettre en lumière les groupes français. Y aura quelques surprises d'ailleurs cette année. On va essayer d'ouvrir encore plus largement le festival. Déjà, on l'ouvre à beaucoup plus de groupes. Parce que chaque année, on est un peu frustré parce qu'on reçoit énormément de demandes pour ce festival et on peut pas y répondre. Normal. On peut pas faire jouer tout le monde, c'est pas possible. Donc cette année, on a vraiment pris le parti de faire deux scènes. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un changement de plateau sur la grande scène, la petite scène jouera et donc vous pourrez toujours aller découvrir des groupes, des nouveaux groupes. Et je remercie d'ailleurs tous les groupes qui ont accepté de jouer sur la petite scène parce que c'est pas non plus facile. C'est une scène où il y aura à peu près 150 personnes et la grande scène c'est 850 personnes. Mais là où c'est quand même assez jouissif, c'est-à-dire que si ça ne contient que 150, ça veut dire qu'elle va être vite pleine et que le groupe va jouer devant un public proche déjà et plein. Voilà. Ça c'était un petit peu pour vous donner d'autres détails. On vous en donnera d'autres, des détails au fur et à mesure du temps qui passe. Ce soir Yann, tu es venu donc avec l'album Better Way et tu nous as dit comme d'habitude. Bah ouais, on va jouer un petit peu. Alors c'est vrai que d'habitude je jouais sur des playbacks mes titres instrumentaux. Là je n'ai pas encore les playbacks sur mes guitares de l'album, donc on va tenter une grande première. Jouer sur l'album. Je vais pourrir ma propre production. Mais est-ce que tu vas jouer en mode faire des solos par-dessus tes solos différents, ou tu vas jouer la même chose que ce qu'on va entendre? Oh bah je peux faire l'un ou l'autre. Je sais pas, je te demande, moi justement, c'est toi le chef d'orchestre. Maintenant vu que c'est chanté, je vais quand même essayer de coller quand même à ce que j'ai enregistré parce que ça m'ennuierait de. Oui, mais après de polluer. Mais bien sûr, mais après tu peux faire le bout de chanteur. Des arrangements avec par-dessus quoi. Comme tout à fait. Enfin, Bujo, il est tellement doué qu'il arriverait sûrement à s'adapter en plus. Enfin, ah oui, c'est vrai. Pour le connaître, voilà, je pense qu'il aurait la capacité de s'adapter. C'est vrai. À une ou deux. À une ou deux folies de Yann sur scène. Alors moi, ce que je te propose, Yann, c'est que il nous reste encore trois quarts d'heure, à peu près, un petit peu moins de trois quarts d'heure d'émission. Tu joues pendant trois quarts d'heure, voilà. Puis nous, on va manger pendant ce temps-là. Non, on ira manger après. Par contre, on va te laisser enchaîner. Les deux titres. Ah bah si vous voulez. Hein, ah, si tu me donnes l'ordre et tout va bien. Ah bah c'est Yann qui va te donner l'ordre, parce que c'est pas moi qui vais jouer. Je le connais Yann. Pas. Donc on avait choisi. On est dans la merde. Alors on avait choisi, ouais, mais l'ordre par contre, je l'ai plus en tête, mais on avait choisi Hell Come Baby, qui est, je trouve, un titre assez. Qui colle bien à l'émission. Et puis c'est un gros clin d'œil à un groupe dont je vous laisse deviner le nom. C'est assez facile. Vous allez voir. Et l'autre titre, c'était Coming Home, qui est un des titres qu'on nous cite souvent dans les médias là, qui ont eu l'album. Ils trouvent que ce titre est. Il y a un refrain qui sort bien. Et c'est vrai que c'est difficile de parler de single avec un disque de hard rock, classic rock, mais s'il y avait peut-être un single à extraire de ce disque, ça serait peut-être le premier. En tout cas, sache que tu es bienvenu ici à la maison. Hein. Bah oui. Notre titi à la maison. Ah, oui. Bienvenue chez toi. Bienvenue à la maison du Rock for Show. C'est pas chez Phil. On m'aurait menti. Non, bienvenue à la maison du Rock for Show. C'est une maison itinérante. Tu as remarqué? Oui, j'ai vu. Ouais. Tu auras quand même fait. T'as failli faire trois studios différents. On est à Savigny-les-Beaunes dans une caravane. Non, mais ça, au milieu de nulle part. On dit quand même qu'on est dans un grenier. Voilà. Il y a Steph d'Ultra Rock qui nous souhaite une très très bonne émission. Eh bien, on fait des gros bisous à Steph et Lulu d'Ultra Rock, qui sont les partenaires du Paris Metal France Festival. D'accord, également. Ils ont ravis de l'apprendre. Ils sont très bien. On n'est pas dans la merde. C'est mon futur patron. Alors, chut. Donc voilà, on leur fait des gros poutous parce qu'on sait qu'ils sont là pour nous soutenir également, aussi bien dans la difficulté comme on l'a subi il y a un an, que dans les moments de plaisir et que nous partageons ensemble. On va te. Je vais me brancher, hein, on va faire un petit test de son. Vas-y, on va voir. Et puis, on va balancer après. Là, tu peux envoyer, par exemple. Oui, mais je vais mettre mon casque si. Oui, si tu veux. T'ennuies pas. Non, mais après, il y a le retour comme tu veux. Ah, bah, s'il y a le retour, pourquoi pas. Oui, voilà, c'est pour ça. On va voir un petit peu pour voir déjà. Il est taquin un peu. Ouais, non, mais il aime bien. Il est très taquin. Mais il fait bien la cuisine aussi. Mais il m'a fait goûter son chocolat. voilà, là on l'entend, elle là t'es en son saturé, du coup on t'entend moins fort. Voilà, Yann Armanino, tu mets le casque du coup ? C'est ça, pas de soucis. C'est moi qui fais la conversation avec quelqu'un qui a pas de gueule. Les aléas du direct. Allez, yes. C'est parti. C'est en live, c'est dans le Rock for Show, et Yann Armanino. Et on envoie quoi d'ailleurs ? Et on envoie de quel en premier ? Parce que t'as pas choisi l'ordre. Yann, tu prends lequel en premier ? Coming Home ou... Je crois que c'était... Non, Coming Home, c'est le deuxième. C'est Welcome Baby, non ? Et voilà. Baby. Voilà. Allez, c'est parti. applaudir, on peut applaudir. We'll be right back. putain, que c'était bon. C'est toujours un réel bonheur d'avoir un musicien en live. Hein, et de voir. Alors j'ai pris quelques petites libertés de temps en temps. Mais justement, c'est ce que je te mettais au défi de faire. Enfin, t'as peut-être pas forcément bien compris quand j'ai répondu. Si, mais tout à fait. C'était en mode, c'est toi qui as produit, mais faut que tu passes autre. Parce que par exemple, on a reçu, pour te montrer un exemple, on a reçu, et je te mets au défi par exemple de le faire. Ah, mais on a reçu mettez-moi un titre si vous voulez, je joue dessus. Hein. Bon, on le fait. Allez-y. Moi, un titre d'une artiste, on le fait. Allez, c'est parti. Une artiste qu'on a reçue il y a quelques semaines. Manu. Manu, trois voilà, tout simplement. Trois semaines maintenant. 3 semaines. Alors, faut juste que. Laisse-moi le temps de le retrouver. Manu qui ? D'ici 2-3 heures, t'as du temps devant toi. Hein. Non, ça va aller assez vite quand même. T'as retiré tes mots. Parce que c'est assez drôle, parce qu'en général, quand je suis au Rock for Show, j'ai toujours ma guitare donc avec moi. Et ce sera pas la première fois en fait. Parce que souvent, il y avait. Et tu sais quoi ? On va l'enregistrer en même temps, on va lui l'envoyer, ça va être notre défi. On va mettre en mode secret qui est-ce ? Hein non, mais c'est vrai que tu l'avais déjà fait sur des. Oui. Parce que tu les titres jouaient. Et je jouais dessus. Tu jouais dessus, ouais, tout à fait. C'est vrai que. Bah, d'ailleurs, on va saluer monsieur Eric The Viking qui est. Veux-tu une petite pré-écoute ou pas du tout ? Ou tu joues en mode direct cash what the fuck Non, mais vas-y, on voit. De toute façon, c'est le jeu. Si tu me fais écouter avant, c'est plus le jeu. Je te propose, moi, tu disposes. Très cher. Allez. S'il veut bien partir. Par contre, j'espère que c'était pas ce qu'il y avait en fond, parce que. Non. Patron, il a dit stop. Ouais, bravo Yann. Oui, non, parce que on a pris beaucoup de liberté avec le conducteur de l'émission. Comme chaque semaine, on a du mal à l'alcool. J'ai joué sur quoi en fait terminé. Sur Manu. Manu, anciennement Dolly. D'accord. si tu connais peut-être. Bon bah, je suis désolé Manu alors. non mais c'est très bien, il y avait des... T'es désolé de l'avoir arrêté, mais c'est pas... Mais après moi je te modifie de le reprendre, de le retravailler un peu et de participer parce qu'elle fait, elle promeut tous les artistes, hein, tous ses potes qui jouent avec elle. Oui, elle, alors, elle invite, elle invite en fait les gens à venir faire un solo sur ce titre. Si tu vas sur son, son site sur internet. Son site. Et donc il y a eu des versions à la harpe, au violoncelle, à la guitare, à la batterie, enfin à tout. Ouais, c'est assez sympa. Un titre assez original et puis elle le fait participer, elle le fait partager sur son, sur son Facebook, hein, c'est ça, et sur le site. Exact. Et à l'époque il y a eu un concours ouvert à tout le monde et il y avait un gagnant et voilà. Voilà. Donc bah voilà, on t'a créé une nouvelle copine. Elle sera là au Paris Metal France Festival. D'accord. Elle, elle est invitée, donc voilà, elle sera là, elle pourra monter éventuellement sur scène, pourquoi pas. On va déjà te remercier et puis je voudrais qu'on t'applaudisse parce que c'est pas évident. Il est 21h pour un peu. Il est 21h et nous reste encore une demi-heure à passer ensemble. J'espère que vous appréciez quand même les petites libertés que l'on s'octroie, puisque c'est de la radio libre, complètement libre. On n'a pas le droit peut-être. Hein ? Ah si, non, mais au contraire. Mais j'aime bien aussi avoir l'avis des auditeurs, savoir si ils apprécient un petit peu les choses totalement différentes. Parce qu'on est mieux au Québec libre. Oui, oui. Heureusement qu'il est libre le Québec depuis le temps. Qu'entendons-nous en fond sonore, mon cher Tom ? Si la programmation est bien suivie. Dark Funeral. Oui, parce qu'ils seront en concert, ma chère Jen. Mon Dieu. Ouais, mon Dieu. Alors, ils seront en concert le 18 octobre au Petit Bain avec Crision et Deserted Fear. Exactement. Et nous avons des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Alors, vous nous envoyez un petit SMS en nous disant qui est notre invité du soir. C'est simple, hein. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas plus simple. Même si vous ne donnez pas son nom, vous pouvez nous donner son prénom, son nom ou les deux. Si vous, si vous donnez les deux, ben vous avez deux places. Si vous ne donnez qu'un seul, vous n'avez qu'une place. C'est pas simple, Rock for Show. Hein. Allez, Dark Funeral, donc, ils seront en concert. Je voulais qu'on finisse avec des groupes que j'avais sélectionnés pour Yann, justement, avec le groupe Nio. Nio, qui était l'ancien groupe de Christophe Godin. Hein. Christophe a quitté le groupe pour se consacrer à une carrière un peu plus solo, on va dire. Bien que déjà Nio, c'était un trio, mm-hmm. hein, assez déjanté, avec pas mal d'expérimentations, de choses comme ça. Après, il avait donné naissance à un autre projet qui s'appelait Metal Cartoon, mm-hmm. qui était aussi avec un mélange de musique Zigan. C'était génial. Avoir fait avec Eleanor et avoir porté son matos, du coup. C'était vraiment très bien. C'est un garçon charmant. Tu as partagé la scène avec lui au Paris Metal France Festival. Tout à fait, et puis sur d'autres scènes aussi. Enfin, je l'ai croisé assez régulièrement, Christophe. Oui, parce qu'il fait pas mal de conventions guitare également. Est-ce qu'il y a, justement, parlons-en, est-ce qu'il y a une certaine empathie avec tous les musiciens, tous les guitaristes lorsque vous vous retrouvez? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font naturellement est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas participer Non, vraiment. Bon enfant. Ah oui, je trouve. La guitare, c'est ton métier ou pas? Oui. Prof? Conservatoire? Pas conservatoire, non, vraiment. Alors je donne quelques cours, mais je fais aussi plein d'autres choses du studio. J'ai une application aussi sur iPad, iPhone. À ton nom? L'application s'appelle Masterclass. D'accord. Donc tu fais des masterclass aussi, tu fais plein de choses avec aussi la collaboration que j'ai avec Ibanez depuis 10 ans. Enfin, y a plein de choses qui font. En tant que musicien, de toute façon, on est toujours un peu multicarte. Surtout aujourd'hui, c'est encore pire. C'est pire, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est. C'est pas mieux. Et tu donnes des cours particuliers ou pas? Oui, j'en donne quelques-uns. Mais j'en donne peu en fait, parce que je ne fais vraiment pas que ça. D'accord. Donc, le temps te manque pour ça. Au niveau du temps, ça. Oui, c'est une volonté aussi de garder une certaine fraîcheur. D'accord. Et puis d'avoir du temps pour faire plein d'autres choses, que ce soit justement du studio, des masterclass. Donc c'est... Non, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Hein. Toujours dans le métal ou dans tous les univers différents, peu importe Dans pas mal de choses différentes. Enfin, je peux te citer par exemple la dernière chose là, que j'ai fait en studio, qui est en rapport aussi avec le réalisateur de l'album, mais c'est sur la comédie musicale Un été 44, qui sort le 4 novembre chez Warner, qui sera à la Comédia à Paris... je crois à partir de début novembre également. Mm-hmm. C'est une grosse comédie musicale réalisée par Eric Benzi avec des titres de Goldman, d'Aznavour, de Chamfort. D'accord. Donc là, on est vraiment dans un autre registre. Beaucoup plus commercial. Oui, c'est plus. C'est variété, mais de caractère. C'est vraiment des belles chansons. Et c'est. Donc c'est Eric Benzi qui a réalisé Better Way, qui réalise aussi toute la comédie musicale. Est-ce qu'il y a un domaine musical où tu n'irais pas ? Oh oui, il y en a plusieurs même. Tu peux en citer quelques-uns ou pas ? Oui, déjà le classique parce que j'ai pas le savoir-faire pour faire ça, vraiment. Mmh. Hein. Guitare classique, l'exercice de style qu'a fait Patrick avec le pianiste, on en parlait tout à l'heure, que je trouve un album magnifique. Ça, je serais complètement incapable d'aller dans cette direction. Mais ça, c'est plus par manque de savoir-faire et de pratique, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. T'as fait la guitare en autodidacte ? Complètement. J'ai jamais pris un cours. Sinon, oui, effectivement, je ne jouerais pas ou peu dans le rap, sauf si NTM me le demandait, parce que j'aime beaucoup ce groupe. Tu veux l'autorité, c'est tout, quoi. Le rail non plus, c'est vraiment pas mon truc là, c'est épidermique. C'est vrai que c'est une sonorité, toutes les sonorités un peu orientales, j'ai vraiment du mal. Ça a rien de raciste, hein, je précise, mais vraiment c'est pas ma culture, quoi. Très bien, on poursuit. De toute façon, on a Yann. Bah non, avec alors nous, on me coupe la parole. Non, mais je disais, c'était ma dernière question, donc c'était à toi d'enchaîner. D'accord. Ouais, donc Nio, pour te remettre un petit peu dans le bain et voir ce qu'ils font maintenant, quoi, sans Christophe. L'album sortira en novembre prochain. On n'a pas de date officielle. Il s'appelle Sick Princess et ça sortira chez Send the World Record. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir, ma chère. Lose control. Exactement, mais nous on ne perd pas notre contrôle ici, hein, on le garde. On enchaînera ensuite avec un groupe qui sera au Paris Metal France Festival, ça a déjà été annoncé. Le groupe s'appelle Existence. On parlait tout à l'heure de gens de talent. Je pense que le talent peut aussi être héréditaire, puisque c'est le fils du chanteur de H-Bomb, du premier chanteur d'H-Bomb, de monsieur Didier Izard. Je tiens à lui rendre hommage, même si on n'a jamais réussi à faire reformer le groupe, parce qu'il y a des choses qui font que. Des groupes ne peuvent pas se reformer et c'est rédhibitoire. Eh bien, H-Bomb en fait partie. Heureusement, sa progéniture, son fils, Julian, on le salue bien bas, sort son nouvel album, là, prochainement, qui s'appelle Breaking the Rock. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir est le titre éponyme. Breaking the Rock. Exactement. Et on terminera cette programmation musicale avec un groupe qui aurait pu être également au Paris Metal France Festival, qui s'appelle Beyond Chronicles. Alors là, on est dans un genre totalement différent. On a de la guitare pour quelque chose d'un peu inspiré, d'un peu décalé au départ. On enchaîne avec du pur heavy metal années 80, avec voix haute perchée. Et on finit avec un groupe plutôt death metal, très mélodique, mais très mélodique, avec voix claire et voix gutturale. Le groupe s'appelle donc Beyond Chronicles. L'album vient tout juste de sortir et il sort demain, en même temps que ton album. Chez Do It Records. Et l'album s'appelle Human Nation. Et le titre que nous découvrirons ce soir, Cold Vengeance. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ils sont de la région parisienne, bien évidemment. Le groupe s'est formé en 2013. Ils nous font du mélodique death metal. Je vais découvrir plein de choses. Ils seront en concert. Oui, ils seront en concert le 22 octobre. À la Flèche d'Or. Voilà, donc juste pas très loin de notre ancienne radio. C'est un album, c'est leur premier album et il fait 12 titres, voilà, pour être complet. Et c'est un magnifique digipack. Donc c'est des petits coups de pouce que l'on peut donner aussi aux jeunes groupes qui démarrent. Et j'ai trouvé cet album assez intéressant. Vous connaissez mes goûts musicaux, je vais un petit peu partout. Et là, ce que j'aime entre tout, c'est le côté mélodique de cette musique. Bien que nous ayons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une musique assez agressive. On envoie la musique, on se retrouve tout de suite après. N'appelez plus pour les places de Dark Funeral, ça y est, c'est gagné. On a eu beaucoup de réponses. Donc ne nous appelez plus. On envoie tout de suite Nio et on se retrouve après. Sweet. De retour dans les studios du Rock for Show pour la fin de cette émission que j'espère mais vous non. avez appréciée. Donc c'était Dagoba en fond sonore. Non, c'est Dagoba en fond sonore. Et on va annoncer donc leur concert. Tout à fait. Richard Jane. Pardon, excusez-moi. Donc Dagoba seront en concert au Co-40 Metal Fest qui aura lieu... et ben j'ai pas les 22 l'endroit. Et 23. Non, j'ai pas l'endroit, les dates oui. En l'occurrence Dagoba joue le 23. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai pas le lieu. Derrière. Ah oui, pardon. excusez-moi. Des fois faut retourner la page, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'était recto verso. Donc ce sera à la Flèche d'Or au centre. Ah non, de... non, c'est pas ça. Alors. Voilà, faut pas. C'est pas ça, donc il y a pas de. Non, j'ai pas le lieu. D'accord, voilà. Ok. Donc ce sera dans le département 14, dans le Calvados. Ah bah bravo, bravo. En parlant voilà. de Dagoba, si je peux me permettre, je voudrais faire juste un petit coucou à Gilles Lartigot en fait, qui les avait managés, qui les a signés en tout premier. C'est il vrai. Y a quelques années. C'est vrai. Et Gilles avec qui je suis toujours en contact, qui est vraiment un pote, qui sort bientôt son DVD Hit. Par rapport à c'est en fait le concept, c'est s'alimenter mieux avec ce qu'on peut trouver. Il avait déjà fait son bouquin qui était vachement sympa, qui s'appelait Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Et voilà, je voulais faire un petit coucou à Monsieur Lartigot. Ah ben. Très bien. Et donc Dagoba, désolé, on revient ouais. Là-dessus, seront en concert donc au Co-40 Metal Fest le 23 octobre. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner les autres groupes aussi, parce qu'on est partenaire de ce festival. Tout à fait. Donc ceux du 22 et ceux du 23. Alors, ceux du 22. Le 22, à partir de 17h, vous pourrez découvrir Lovblast, ADX, Killers, Drakkar et Désillusion. Non ! Pardon, excuse-moi, je découvre en même temps l'affiche. groupe de Normandie. Exactement. Et le 23, donc à partir de 14h30, vous aurez Dagoba, Head Chargers, Primal Age, Alzheimer et Frantic Machine. Voilà, voilà. Et vous tapez sur Facebook Conquérante Metal Fest et vous aurez tous les détails. L'autre date, vite, parce qu'il alors, reste 30 secondes. Ouais, l'autre date sera donc le 29 à Vitry-sur-Seine avec 633 notamment. Je serai là, donc c'est pour ça très que bien. Je l'annonce. Très bien. Voilà. Et le festival de ce week-end aussi. Voilà. Le British Steel et surtout, Saturday Night. N'oubliez pas le concert d'Alzheimer. C'était le mot de la fin. Bravo. On se quitte avec Yann. Yann, tu nous présentes le dernier titre que l'on a choisi tout à l'heure. Oui, alors c'est la petite balade de l'album, ça s'appelle The Train. Un titre, c'est une typique balade. On ne devait pas le mettre sur l'album et Eric l'a habillé avec un orgue et il a su trouver les bons arrangements. Et du coup, on s'est dit qu'on allait le garder parce qu'il en avait fait quelque chose de vachement bien. Eh bien, on écoute ça et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Ce sera une émission spéciale Vous y est et Do It pendant 2 heures. Donc, ce sera de 19h30 à 21h30. C'était rock, c'était fort, c'était chaud, c'était le Rock for Show. À la semaine prochaine.